Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radioactive. Bienvenue dans le Mag, votre rendez-vous avec l'actu locale. Aujourd'hui dans ce Mag, on va parler musique, voix et énergie collective. Direction Tours avec The Keystones, un chœur pop-rock tourangeau qui bouscule les codes de la chorale traditionnelle en revisitant les grands titres pop et rock avec une vraie identité scénique. Ils se produiront les 16, 17 et 18 janvier à la salle Hockey Game à Tours et une autre date déjà annoncée le 11 avril, si je ne me trompe, à la Pléiade à La Riche. On va en reparler bien sûr. Et bah justement, pour échanger là-dessus, on reçoit des membres de The Keystones avec notamment Florence, choriste et membre du bureau de l'association. Bonjour Florence. Bonjour. Et puis Jean-Marie, que les auditeurs de Radioactive connaissent bien puisque c'est notre man behind the mask. Bienvenue Jean-Marie. Merci, bonjour. Donc, on va commencer par la genèse. Bien que Florence m'expliquait hors antenne qu'elle n'était pas à l'origine, elle est quand même bien là depuis le départ dans cette aventure de Keystones. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est né un petit peu et l'identité aussi particulière de ce chœur ? Alors, les Keystones, c'est une création, une volonté d'une personne qui s'appelle Marjorie Chéré qui a rencontré Gaël Sérandour durant des stages organisé par le CEPRAVOIS. Donc on parle de ça, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et ils ont fait connaissance avec une méthode de chef de chœur, on va dire, basée sur le rythme et le corps. Donc c'est une méthode nordique. Cette méthode de direction de chœur, voilà, est inspirée du vocal leadership, une méthode basée sur l'écoute principale et sur le rythme corporel. Voilà, okay. Et c'est une méthode qui permet de faire chanter ensemble des gens qui vont être des musiciens professionnels ou des gens qui vont chanter d'une façon beaucoup plus intuitive et d'arriver à créer quelque chose de tout à fait qualitatif malgré les écarts de compétences que peuvent avoir les gens en fait. Et donc, en septembre 2015, le chœur a été créé. Ils ont décidé de le faire sous forme d'audition. Donc ils ont fait passer des auditions pour s'assurer que les gens avaient le sens du rythme, évidemment, et puis étaient capables de chanter juste et d'être plutôt à l'aise sur l'anglais. Voilà, donc il y a eu toute une période où il y a eu des gens qui sont venus, qui sont repartis, etc. Ça a duré quelques années, il y a eu une sorte de période de maturation en fait. Dès le départ, c'était pop rock hein. C'était pop rock, il y avait un peu plus de diversité, il y avait des morceaux qui étaient en français aussi. Mais en fait, au départ, on était parti avec deux chefs de chœur. Il y avait Gaël Sérandour et Clémentine Saïs. Et ils s'étaient organisés de façon à ce que Gaël soit vraiment axé sur la partie arrangement, chœur, etc. Et Clémentine plus sur la partie technique vocale. Et donc c'était super la première année, mais bon après, là, ça s'est concentré sur Gaël. On a eu pas mal de mouvements dans le chœur pendant pas mal d'années. Et puis, on a eu le Covid aussi qui est arrivé. Oui, qui a été une période qui a été très difficile pour beaucoup de chœurs. Mais en l'occurrence, à cette époque-là, on a eu un président d'association. Marjorie s'est désengagée pour des raisons personnelles, familiales. Elle a fait plein de petits bouts. Qui seront les futurs choristes. Voilà. Et donc, du coup, c'est François qui a pris le relais et qui, d'une façon très impliquée, a tout fait pour que le chœur résiste à la période de confinement. Et c'est à cette période-là où on a fait beaucoup de captations audio et vidéo. Et c'est pour ça que sur le site, on a la possibilité de voir des clips de plusieurs de nos morceaux. Et donc voilà, François a vraiment apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour les Keystones. Et puis après, il a décidé aussi de passer à autre chose. Donc là, depuis 3 ans, je crois, quelque chose comme ça, on est sur un nouveau bureau avec Céline, qui est présidente, et dont je fais partie également. Bon, il y aurait d'autres personnes, je ne sais pas si je vais citer tout le monde. Mais c'est le risque d'en oublier. Voilà, donc voilà. en tout cas, on travaille très activement. Donc on est plusieurs, hein. On a un conseil d'administration, etc. Et tout le monde est très impliqué. Et l'objectif, c'est d'assurer la pérennité des Keystones et de jouer le plus souvent possible. Donc, on fait des concerts où on est en autoproduction, comme pour Hockey Game. Autrement, on joue aussi au profit d'associations, des choses comme ça. Enfin, on nous fait venir pour encadrer des événements associatifs, des choses comme ça. C'est des choses que l'on peut faire aussi avec plaisir. Tout à l'heure, tu mentionnais la voix et le corps. Oui. Ça veut dire quoi concrètement? À quoi on s'attend quand on vient voir The Keystones sur scène? C'est-à-dire que vous dansez aussi, vous bougez, vous, c'est quoi l'ambiance? Alors, l'ambiance, c'est assez, dynamique. Voilà. Okay. Alors, on danse. Alors, on ne va pas faire des pointes. Hein. On ne va pas faire du rock acrobatique, non. Mais par contre, voilà, ça s'exprime en mouvement, en corps, en scénographie. Des fois, il suffit juste d'un geste, si tout le monde le fait au bon moment, avec beaucoup d'intention. On a aussi récemment, déjà du temps de François, on avait commencé déjà à travailler sur cet aspect chorégraphique. Et là, depuis 2-3 ans, on a Emma, qui a intégré les Keystones et qui a une sensibilité théâtrale assez importante. Et qui nous permet d'avoir vraiment, de nous ouvrir un petit peu sur ce monde de théâtral, ce monde des intentions, ce monde des émotions, etc. Et du coup, on travaille beaucoup collectivement sur le fait de transmettre ces émotions. On transmettait avant, mais d'une façon un petit peu chaotique, donc on arrive un petit peu à structurer ça maintenant, un peu plus. Alors le public, quand il vient, il va ressentir quoi? Parce que tu parles beaucoup d'émotions, on est sur de la grosse énergie, on est sur de la nostalgie, les deux. On est beaucoup dans l'énergie quand même. Hein. Ouais. Voilà, disons que ça, on voit bien. Hein, c'est pas du métal, mais ça en vaut quand même pas mal. Le mardi soir, c'est radioactif. Voilà. Oui, non, c'est du rock, quoi. Donc, on a quelques morceaux qui sont un petit peu plus doux, ouais, qui sont accompagnés à la guitare. Mais disons, voilà, c'est quand même plutôt rock, quoi. Ça bouge, ça bouge, ça bouge bien. Bien. Ça disons bouge. Qu'on a un peu l'image du spectateur avec les cheveux qui partent, qui sont pris un grand coup. C'est bon là, signe. Voilà. Eh ben justement, je propose qu'on marque une première pause, parce qu'on parle à la fois d'énergie, de nostalgie, d'émotion. Le titre qui vient, il est parfait pour ça. On pense à Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Titre emblématique. Un petit mot peut-être sur ce morceau? Alors, Stairway to Heaven, c'est le titre du confinement, en fait, parce qu'on a commencé à le travailler à cette période-là. Et on a fait nos enregistrements vocaux à cette période-là également. Donc, on était au sortir du confinement. Donc, il y avait ce côté un petit peu émouvant, quoi, de se dire qu'on va pouvoir recommencer, quoi. Bientôt, on va pouvoir rechanter ensemble. Et on a mis, entre le moment où on a commencé à travailler sur Stairway to Heaven et le moment où on a vraiment eu la possibilité de le chanter en public, il s'est passé 2 ans, 3 ans, enfin. Ouais, alors longtemps. Que d'habitude, on travaille et tout de suite, c'est opérationnel, quoi. Donc là, c'est un morceau qui a pris du temps, quoi. Et dans la version que vous allez entendre, nous avons... Donc, c'est un morceau avec soliste. Cool. Et donc, là, à cette époque-là, c'est Julie qui a fait la partie soliste dans l'enregistrement. Et pour le concert, ça va être une surprise. Bon, je vais le nommer quand même, c'est Johan. Ouais. Mais voilà. Donc, on a des morceaux avec des parties vraiment que le chœur, et on a quelques morceaux avec des solistes. Ouais, il faut dire que celle-là, elle s'y prête aussi. Hein. Tu allais dire, Jean-Marie? Non, hein. Non, j'approuve. Je suis sûre que tu allais intervenir. J'approuve. Hein. D'accord, c'était de l'approbation. Ok, eh ben, on va l'écouter tout de suite parce qu'on a très envie maintenant que vous nous avez mis tous les deux l'eau à la bouche. Led Zeppelin, Stairway to Heaven, mais pas n'importe quelle version, celle de The Keystones. Buying a stairway to heaven. There's a sign

Magnifique, une pièce emblématique de la musique sur cette planète Stairway to Heaven de Led Zeppelin, interprétée par The Keystones. Vous êtes toujours dans le mag et nous sommes toujours avec l'équipe, une toute petite partie de l'équipe de The Keystones, puisque vous comptez 24 participants. Florence, hein, je rappelle donc que Florence est avec nous et qu'elle est choriste depuis le début. C'est ça, 24 personnes hein? Oui, tout à fait, okay. Tout à fait. En fait, depuis à peu près un an, là, on est passé de 22 à 24, on a pu recruter des hommes, parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus difficile hein, à recruter. Ah ouais? Je ne sais pas s'ils ne veulent pas chanter, mais en tout cas, voilà, disons que c'est toujours plus difficile de trouver des hommes que des femmes pour chanter. Parce que les femmes chantent mieux. Peut-être. Je sais pas quoi dire par rapport à ça. Les hommes sont trop timides. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'était une blague, Jean-Marie, évidemment. Voilà, et donc du coup, on a renforcé les pupilles de ténor et de basse. Donc maintenant, on a 3 ténors, 3 basses. D'accord. Sachant qu'on a 18 femmes qui se répartissent dans le soprano, mezzo et alto. D'accord. Voilà, donc ça fait du monde. Toi, en tant que chanteuse, comment tu la vis, cette aventure collective? Parce qu'en fait, quand on chante, évidemment, il y a quelque chose de très personnel dans sa manière d'interpréter, dans sa manière de vivre la musique. Et là, c'est quelque chose de commun. Et bien justement, c'est ça qui est bien dans les Keystones, c'est qu'en fait, on a ce chœur qui chante en chœur, avec beaucoup de chœur. Mais chacun a la possibilité de sa propre expression, de ses propres émotions. Et ça, c'est la méthode, justement, du vocal leadership et de la méthode... Alors, je ne veux pas être trop dans les détails, mais Gaël Serrandour, quand il avait fait ce stage, il avait rencontré des gens comme Peder Carlson, qui fait partie du Real Group. Je ne sais pas si les gens connaissent. Voilà. Et donc, c'est vraiment des chœurs qui sont basés sur... C'est comme une addition de solistes, finalement, d'une certaine façon. Il y a cette chose-là. C'est que ça laisse libre cours à cette interprétation. C'est une addition d'interprétation qui forme le collectif. C'est marrant parce que la manière dont tu en parles, on a l'impression qu'il y a un côté un peu thérapeutique là-dedans, quelque chose d'épanouissant. Ouais. Toi, Jean-Marie, qui est observateur de tout ça, c'est ce que tu... T'as un groupe de 24 personnes. Ça va, la plus jeune va avoir 25 ans. La plus âgée, entre guillemets, a eu 69 ans il n'y a pas longtemps. T'as 24 personnes complètement différentes qui s'assemblent. Et comme dirait notre présidente Céline, bim, voilà, ça le fait, quoi. Et ils partagent des choses complètement hallucinantes, quoi, en fait. Ils viennent tous d'horizons complètement différents. Ils ne sont pas professionnels. Il y en a qui savent lire la musique, d'autres qui ne savent pas, mais il se passe quelque chose, il y a une espèce d'harmonie qui se fait dans ce groupe et c'est vraiment chouette à voir. Bon, on dit toujours, quand on monte sur scène, on laisse son petit bagage à l'entrée, voilà, pour être dans la production collective. Et depuis 10 ans que ça existe, il y a eu des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus, et en fait, moi ce que je remarque, c'est que oui, on laisse le bagage, mais on ne peut pas s'empêcher de prendre en considération qu'il y a des gens qui ont des difficultés, il y a des gens qui vivent des choses heureuses, des moments difficiles. Et tout ça, ben, finalement, c'est de l'humanité, quoi. Bah, puis c'est aussi ce qu'on vient chercher dans la musique. Enfin, quand on fait de la musique, c'est qu'on y cherche de l'émotion. Sinon, c'est qu'on passe à côté complètement. Voilà. Et quand on est tous sur la scène à chanter ensemble, s'il y a une personne qui est mal, tout le monde le ressent. Parce qu'on est extrêmement connectés. On fait des préparations physiques avant les concerts. On a tout un rituel qui nous permet de... On n'arrive pas comme ça, chacun comme ça. On s'est pris dans les bras, on a toute une préparation. Donc on essaye de faire un. Donc s'il y en a un qui n'est pas bien, ben, les autres le ressentent et c'est pas bon, quoi. Donc c'est effectivement thérapeutique, automatiquement. Tu te souviens de ta première répétition avec le chœur? Ouais. Ouais. Et alors? J'en venais pas large. Parce que moi, je suis pas du tout une lectrice. C'était plutôt du genre chanteuse dans la salle de bain ou dans la voiture. Donc, non, j'en venais pas large. Et puis, j'ai énormément, progressé parce que ça m'a poussée, quoi. Ouais. Donc, j'ai pris des cours. J'ai pris des cours de technique vocale. Voilà, il y a aussi ce truc-là. C'est qu'effectivement, on se voit pas non plus très souvent. Hein. On se voit pas toutes les semaines. On va se voir 2-3 fois par mois, 2-3 fois par mois. Donc, il appartient à chaque choriste de faire son travail personnel sur sa voix. Voilà. Et donc, du coup, ben, moi, je l'ai fait et ça m'a apporté énormément, quoi. Parce que chanter, c'est très thérapeutique. Ah, que oui. Et ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir. C'est jamais facile comme question. Hein. Mon meilleur souvenir. T'en as un, toi, Jean-Marie? Avec The Keystones? Pendant oui. qu'elle réfléchit? Ouais. pour moi, au niveau technique, le plus intéressant, c'est quand ils sont passés au Vinci. Et oui, c'est quand même pas, c'est grand, pas rien. C'est pas rien, quoi. Dans la grande salle du Vinci, devant 900 personnes, avec le matériel qui va avec, même si c'est pas moi qui étais directement aux manettes, j'étais avec les gars en régie, et là, j'ai pris un grand pied, quoi. C'est clair, quoi. Ouais. Donc ça, c'est le beau souvenir de Jean-Marie. Et toi, Florence ? Moi, le beau souvenir, c'est quand, finalement, on a... Le cœur s'est stabilisé d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop eu... Enfin, il y a eu de la rotation, il y a toujours des nouveaux. Mais il y a une espèce de moment où les gens se sont un peu décidés. Certaines personnes se sont décidées et il y a une harmonie qui s'est créée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé... Ben, moi, personnellement, j'ai commencé à être en interaction avec tout le monde. Ce qui n'était pas le cas au début. J'avais des interactions avec certaines personnes, etc. Oui, en même temps, ce n'est pas facile. 24 personnes, quand même. Voilà, c'est donc, ça. Donc, on a forcément, même si on le souhaite, des fois, pas forcément les mêmes affinités. Enfin, c'est tout à fait humain. On comprend que ce ne soit pas simple de connecter tout le monde. Voilà. Et justement, ce moment où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait moyen d'avoir cette connexion collective et de pouvoir se reposer sur les autres. Voilà, on n'est pas seul, quoi. On n'est pas seul. Et ça, c'est... C'est une leçon de vie, en fait. Pour moi, ça a été un très bon souvenir. Je me souviens de ce sentiment-là, et que je garde toujours, d'ailleurs. C'est très joli, ce que tu dis. Jean-Marie, je me tourne de nouveau vers toi. Ouais. Toi, tu gères donc l'aspect technique, hein, comme on le disait tout à l'heure. Comment tu fais pour gérer 24 choristes ? Comment tu gères ça ? Alors, ils sont ingérables. Non. Ah, c'est compliqué. Hein. Tu te retrouves avec 24 personnes. C'est pas des pros, donc partout. Faut les laisser faire, et puis j'ai pas beaucoup d'exigences, hein, au niveau, c'est eux qui font le boulot. Moi, je suis là simplement pour les habiller avec de la lumière, et puis faire en sorte qu'on les entende à peu près bien, quoi. Après, c'est à eux de faire le boulot. Bon, les seuls trucs que je peux faire, moi, c'est leur donner quelques conseils au niveau des placements, s'ils sont pas là où il faut, dans l'éclairage, etc. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Bon, des fois, je dis un petit truc, ils sont surpris, parce que ils ne se sont pas rendus compte qu'un endroit ça foirait, donc des fois il faut les reprendre pour leur dire, non, il ne faut pas faire ça ce soir parce que c'est pas joli, mais dans la plupart du temps ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, ils répètent bien tous ensemble et ça roule tout seul. Ça fait combien de concerts là, à peu près une moyenne, qui ont été joués? Pas facile. Depuis qu'on existe? Ouais. Ah ça fait pas mal, hein. Ouais. Wow. On va dire c'est que dur comme question. Au début, on en faisait moins quand même. Mais depuis, on va dire, depuis qu'on est sorti du confinement, donc ça fait 4-5 ans, on a une moyenne de 6 concerts par an. Oui, donc voilà. Mais c'est pas mal, hein, parce qu'arriver à avoir 24 personnes là... Ah 6 fois dans l'année, oui, on est d'accord que c'est voilà, pas simple. Avec les répétitions et tout. On organise aussi des week-ends d'immersion. Ah oui ? On a fait ça l'année dernière, c'était super. On fait venir des intervenants aussi pour nous apporter des choses différentes. Vous êtes en constante évolution, quoi. Vous cherchez toujours à vous améliorer différents tout à points. Tout à fait. Là, on va d'ailleurs aussi... Il y a une intervenante qui va venir au mois de février aussi, qui va nous faire travailler sur la technique du chanteur moderne. On a découvert cette technique. Donc ça permet en fait de faire profiter à l'ensemble du chœur deux techniques vocales, mais à l'ensemble du chœur, pas uniquement à chaque personne. Donc dans la mesure du possible, on essaye d'organiser des rendez-vous comme ça, qu'on peut financer justement parce qu'on fait des concerts. Voilà, ça nous permet de financer des petits moments. Et puis, c'est des moments qui renforcent encore plus le groupe. Oui, bien sûr. Parce qu'on essaie de se... C'est de la dynamique collective. Vraiment, voilà. Très bien. on me souffle dans l'oreillette que Queen nous attend avec, là encore, un titre on ne peut plus connu. Et celui-là, il marche fort, d'après ce que disait Florence tout à l'heure. Bohemian Rhapsody, interprété par The Keystones. C'est le deuxième titre. Pourquoi ce choix de titre à faire écouter à nos auditeurs ? Ah, parce que Bohemian, le clip, on l'a fait pendant le confinement. On s'est filmé chacun avec... façon mosaïque, avec nos téléphones et tout. Et c'est le premier clip qu'on a fait, oui, je ne me trompe pas, oui, c'est vraiment le premier clip de confinement qu'on a fait. Il y avait Dreamer, oui. Non, on l'a fait après. Dreamer, c'était après. Ouais, je crois. Oui, c'est vraiment ça. non, mais en tout cas, c'est... Puis c'est un morceau qui est terrible, quoi. C'est terrible. Puis en concert, ça marche. Je crois qu'on le fait bien. Et puis en concert, ça marche bien. Et puis en plus, on a depuis quelques concerts, il y a Emma qui est arrivée, qui nous a fait une mise en scène terrible, vraiment, qui a rebousculé tout le morceau, en fait, et qui nous a permis de mieux comprendre le morceau nous-mêmes. Et du coup, mais oui, parce que c'est important, ça aussi, effectivement, de savoir ce qu'on chante. Oui. Oui, bien sûr. Logiquement, au moment des auditions, on s'assure que les personnes savent chanter en anglais et comprendre un minimum, quand même. Ouais, c'est mieux. Mais c'est vrai que des fois, c'est une chanson, c'est de la poésie. Hein, donc, des fois, il y a des chemins de traverse qu'il faut savoir emprunter dans la compréhension de ces chansons. Donc, c'est vrai que ça permet d'être sur la même longueur d'onde, quoi. Et bien, puisqu'on parle d'onde, on est sur celle de Radioactive et on va écouter Bohemian Rhapsody de Queen, mais la version de The Keystones. C'est parti. Sur Radioactive, ou devrions-nous dire The Keystones sur Radioactive, avec ce titre magnifique Bohemian Rhapsody. Bravo, c'est magnifique. Bravo Florence. Je rappelle que Florence est avec nous et qu'elle est choriste dans ce groupe, dans ce collectif, dans ce chœur, pardon. Employons les bons mots, attention. Et Jean-Marie aussi, qui est derrière les boutons, s'occupe de la technique. Alors, il y a trois concerts qui sont prévus à la salle Hockey Game. Les 16, 17 et 18 janvier, ce sont trois gros rendez-vous. Est-ce que chaque soirée sera différente ou est-ce que ça va être trois fois Le concert sera le même, hein. C'est trois fois le même. D'accord. C'est beaucoup de travail. Ah oui, non, mais on imagine. Donc, faire trois trucs différents, ça serait un petit peu difficile. Mais par contre, on se rend compte manifestement que ce soit le vendredi soir, ça correspond à un public, le samedi soir, un autre public, et le dimanche après-midi, encore donc à 17h. Donc, c'est 20h30 le vendredi soir, 20h30 le samedi soir, 17h le dimanche. Le samedi soir, il ne reste plus qu'une place. Donc, peut-être qu'il n'en reste plus au moment où je parle, je ne sais pas. Par contre, il nous reste des places pour le vendredi soir et pour le dimanche après-midi. Et pour le dimanche après-midi. 16 et 18. Voilà. Donc, il suffit d'aller sur notre site. Je peux le... Bien sûr. Donc, c'est thekeystones.fr. thekeystones.fr. Voilà. Et dans notre site, on tombe sur le lien pour aller sur Hello Asso pour faire la réservation. Ouais, c'est très intuitif, on ne cherche pas longtemps, c'est parfait. Au niveau du répertoire, donc là, on a eu deux beaux exemples depuis le début de cette émission de ce que vous êtes capable de nous produire. Est-ce qu'on peut dire quelques mots encore sur la suite du répertoire ? Alors, le répertoire, historiquement, il a toujours évolué d'une façon assez glissante, on va dire. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des morceaux qui disparaissaient, puis d'autres qui apparaissaient. Donc on a certains morceaux qui ont duré plusieurs années, puis d'autres qui ont resté... Voilà. Et là, sur le répertoire qu'on propose, c'est un répertoire qui est un héritage de ce qu'on a fait l'année dernière, il y a 2 ans. On avait fait un répertoire full Beatles. Okay. Et du coup, on a encore quelques morceaux qui restent de ce répertoire Beatles. Et on a réintégré des anciens morceaux, notamment Bohemian Rhapsody et d'autres. Et puis là, cette année, on a décidé d'intégrer plusieurs morceaux. D'ailleurs, on a été très, très actifs depuis le mois de septembre où on propose du Sting, des morceaux de Sting. Voilà. Donc, ça a un peu remanié tout ça. Voilà. Alors, quand on parle de répertoire, toi, Jean-Marie, comment tu passes du métal à la pop-rock comment vers son cœur Eh bien, c'est pas compliqué. Dans les Keystones, il y a ma fille et ma femme. Ah, voilà. Donc, au début, ouais, tu pourrais pas nous donner un coup de main, machin, tout ça. J'ai dit, il y a assez de raisons comme ça pour s'engueuler à la maison. On va pas mettre ça en dehors. Et en fait, pendant un long moment, j'ai pas pu les voir en concert. Et quand je les ai revus en concert, je me suis pris une grosse claque. Parce qu'ils avaient fait ce que disait tout à l'heure Florence. Il y avait une cohésion qui s'était créée. Ils avaient fait d'énormes progrès. Et le premier concert que j'ai vu d'eux, après plusieurs mois, on va dire, ils m'ont fait chialer, quoi, carrément. Et c'est là que, c'est revenu après. Ils avaient besoin de quelqu'un. C'était au mois de juin 2023 pour le concert en plein air à Loche. Et puis à chaque fois, c'était Gaël, le chef de chœur, qui était un peu obligé de s'occuper de la technique avec François. Donc c'était pas pratique pendant le concert. Ouais. Il fallait qu'ils aillent à la table de mixage, qu'ils enclenchent les micros, machin, tout ça, qu'ils coupent les guitares, qu'ils remettent le piano. Donc j'ai commencé là, comme ça, à leur donner un petit coup de main. Et puis, maintenant, à chaque concert, je suis là, quoi. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé là-dedans. Je suis passé du métal au pop-rock, mais j'étais déjà un peu pop-rock quand même avant. Il n'y a pas que le métal quand même. Oui, puis il y a quelque chose qui est commun, c'est l'énergie. Oui, voilà. Donc, exactement. Quelque part, ce n'est pas incohérent. Est-ce qu'il y a toujours un peu le trac, Florence, avant de monter sur scène, même s'il y a des années d'expérience maintenant, un chœur qui a quand même 10 ans, puisque datant de septembre 2015, est-ce qu'on a toujours un petit peu les chocottes? Ben oui, parce que rien n'est joué. Mais il faut toujours jouer. Voilà, il faut arriver sur scène avec... faut être décontracté et il faut avoir envie de jouer, en fait. C'est ça. Il y a cette chose-là. Et jouer, ben, c'est aller dans l'incertitude, hein, c'est faire des choses, on ne sait pas ce qui va se passer. Mmh. Et il y a le public, on ne sait pas comment le public va réagir, etc. Donc il y a une petite fébrilité. Enfin, moi, je parle pour moi, j'ai l'impression qu'au moment où je suis sur scène et que ça va démarrer, que je rentre dans un autre monde, quoi. Mmh. C'est vraiment ça, on rentre dans un autre monde. Mais c'est vrai qu'avec, au fur et à mesure du temps, moi, ça fait quand même pas mal de temps. C'est pas le cas de tous les choristes, parce qu'il y en a qui vont essuyer des plâtres, hein, on a des nouveaux, oui. Donc qui sont un petit peu plus stressés que moi, je pense. Mais c'est vrai que moi, je suis convaincue que collectivement, c'est bon. Oui. Donc c'est plus facile. Je serais être seule sur scène, porter quelque chose tout seul. Là, oui. Mais si on prend conscience qu'on est vraiment dans quelque chose de collectif, c'est beaucoup plus facile. Si vous deviez, l'un et l'autre, et ça sera la dernière question de cette émission, convaincre quelqu'un qui n'est pas forcément curieux d'aller découvrir un chœur sur scène, qui se dit « oh, bon », qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour le motiver ? Ben, déjà, s'il veut voir ce que c'est qu'un vrai chœur et non pas une chorale, déjà, c'est une grosse différence. Il va voir tout de suite la différence par l'énergie, par le mouvement, par le rythme, par la joie et le plaisir qu'il dégage sur scène. Faut venir voir les Keystones, quoi. Il n'y a pas de problème parce que vous allez en prendre plein les oreilles, plein la vue et vous ressortirez là avec une autre vision sur ce qu'est, pas les chorales, mais les chœurs, quoi, en fait. Les chœurs et le chœur pop rock en particulier. J'ai rien à ajouter. Ah mais tout est dit. Oui. Remarque, il a bien, c'est parfait. De toute façon, Jean-Marie est un Keystones. Ouais. Je pourrais pas être sur scène avec eux, ça c'est clair. Ah mais il n'y a pas besoin d'être sur scène pour être Keystones. Eh ben, en tout cas, on l'a compris, The Keystones, c'est un chœur pop-rock tourangeau qui mêle la voix, l'énergie collective et puis le plaisir de la scène, bien sûr. Donc rendez-vous les 16-17 pour le chanceux qui aura peut-être pris la dernière place qui reste au moment où on se parle. Et le 18 janvier, donc vendredi 16, samedi 17, on a dit 20h30. Et le dimanche 18, là, ce sera plutôt en fin d'après-midi vers 17h, à la salle Hockey Game à Tours. Et puis pour ceux qui veulent déjà noter, le 11 avril, ce sera la Pléiade à la Riche, une belle salle aussi localement, pour découvrir ou redécouvrir ce projet musical original. Toutes les infos, Florence vous l'a dit tout à l'heure, sont à retrouver sur le site internet thekeystones.fr. Il y a la page Facebook aussi. Et la page Facebook, bien sûr. Et sur le prog également. Ouais. Eh mais vous êtes partout. Ouais. C'est fabuleux. Merci à vous d'être passé dans le mag et on vous souhaite vraiment de très très jolis concerts. Merci beaucoup. Merci Marlène. Et je vous propose qu'on se quitte en musique avec Dreamer, Supertramp évidemment, puisqu'on en redemande. You had it coming.